Troisième partie, chapitre 4 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, La Commune. Chapitre 4, Proclamation de la Commune. Ils étaient là, debout, prêts pour le sacrifice. Barde Gaulois. La proclamation de la Commune fut splendide. Ce n'était pas la fête du pouvoir, mais la pompe du sacrifice. On sentait les élus prêts pour la mort. L'après-midi du 28 mars, par un clair soleil rappelant l'aube du 18 mars, le 7 germinal an 79 de la République, le peuple de Paris, qui, le 26, avait élu sa commune, inaugurait son entrée à l'hôtel de ville. Un océan humain sous les armes, les baïonnettes pressées comme les épis d'un champ, les cuivres déchirant l'air, les tambours battant sourdement et entre tous l'inimitable frappement des deux grands tambours de Montmartre, ceux qui, la nuit de l'entrée des Prussiens et le matin du 18 mars, éveillaient Paris de leurs baguettes spectrales, leurs poignets d'acier éveillaient des sonorités étranges. Cette fois, les tocsins étaient muets. Le grondement lourd des canons, à intervalles réguliers, saluait la Révolution. Et aussi, les baïonnettes s'inclinaient devant les drapeaux rouges, qui par faisceaux entouraient le buste de la République. Au sommet, un immense drapeau rouge. Les bataillons de Montmartre, Belleville, La Chapelle ont leur drapeau surmonté du bonnet phrygien. On dirait des sections de 93. Dans leur rang, des soldats de toutes les armes, restés à Paris, ligne, marine, artillerie, zouave. Les baïonnettes toujours plus pressées débordent sur les rues environnantes. La place est pleine. C'est bien l'impression d'un champ de blé. Quelle sera la moisson ? Paris entier est debout. Le canon tonne par intervalles. Sur une estrade est le comité central. Devant eux, la commune. Tous avec l'écharpe rouge. Peu de paroles dans les intervalles que scandent les canons. Le comité central déclare son mandat expiré et remet ses pouvoirs à la commune. On fait l'appel des noms. Un cri immense s'élève. Vive la commune! Les tambours battent au champ, l'artillerie ébranle le sol. Au nom du peuple d'Iranvier, la commune est proclamée. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune, dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul. Vive la commune! Toutes les musiques jouent la Marseillaise et le chant du départ. Un ouragan de voix les reprennent. Un groupe de vieux baisse la tête vers la terre, on dirait qu'ils y entendent les morts pour la liberté. Ce sont des échappés de juin, de décembre. Quelques-uns tout blancs sont de 1830. Mabille, Malézieux, Cayolle. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était la commune composée d'hommes d'intelligence, de courage, d'une incroyable honnêteté, qui tous, de la veille ou de longtemps, avait donné d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Le pouvoir, incontestablement, les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. Ils surent mourir héroïquement. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que je suis anarchiste. Le soir même du 28 mars, la commune tint sa première séance, inaugurée par une mesure digne de la grandeur de ce jour. Résolution fut prise, afin d'éviter toute question personnelle au moment où les individus devaient rentrer dans la masse révolutionnaire, que les manifestes ne porteraient d'autre signature que celle-ci, la commune. Dès cette première séance, quelques-uns étouffant sous la chaude atmosphère d'une révolution ne voulurent pas aller plus loin. Il y eut des démissions immédiates. Ces démissions entraînant des élections complémentaires, Versailles put mettre à profit le temps que Paris perdait autour des urnes. Voici la déclaration faite à la première séance de la Commune. Paris, 28 mars 1871. Citoyens. Notre Commune est constituée. le vote du 26 mars sanctionne la République victorieuse. Un pouvoir lâchement oppresseur vous avait pris à la gorge. Vous deviez, dans votre légitime défense, repousser ce gouvernement qui voulait vous déshonorer en vous imposant un roi. Aujourd'hui, les criminels, que vous n'avez pas même voulu poursuivre, abusent de votre magnanimité pour organiser aux portes de la cité un foyer de conspiration monarchiste. Ils invoquent la guerre civile. Ils mettent en œuvre toutes les corruptions, acceptent toutes les complicités. Ils ont osé mendier jusqu'à l'appui de l'étranger. Nous en appelons de ces menées exécrables au jugement de la France et du monde. Citoyens, vous venez de nous donner des institutions qui défient toutes les tentatives. Vous êtes maîtres de vos destinées. Forte de votre appui à la représentation que vous venez d'établir va réparer les désastres causés par le pouvoir déchu. L'industrie compromise, le travail suspendu, les transactions commerciales paralysées vont recevoir une impulsion vigoureuse. Dès aujourd'hui, la décision attendue sur les loyers, demain celle sur les échéances. Tous les services publics rétablis et simplifiés. La garde nationale, désormais seule force armée de la cité, réorganisée sans délai. Tels seront nos premiers actes. Les élus du peuple ne lui demandent pour assurer le triomphe de la République que de les soutenir de votre confiance. Quant à eux, ils feront leur devoir. La Commune de Paris, 28 mars 1871. Ils firent en effet leur devoir, s'occupant de toutes les sécurités de la vie pour la foule, mais hélas, la première sécurité eût été de vaincre définitivement la réaction. Tandis que la confiance renaissait dans Paris, les rats de Versailles trouaient la carène du navire. Quelques démissions eurent lieu encore avec des motifs divers. Ulysse Parent, Fruneau, Goupil, Lefebvre, Robinet, Méline. Des commissions avaient été formées dès les premiers jours sans être pourtant définitives, suivant leurs aptitudes. Les membres d'une commission passaient dans une autre. La Commune était partagée entre une majorité ardemment révolutionnaire, une minorité socialiste raisonnant trop parfois pour le temps qu'on avait, semblable en ce point que la crainte de prendre des mesures despotiques ou injustes les ramène aux mêmes conclusions. Un même amour de la Révolution rendit leur destinée semblable. La majorité aussi sait mourir, dit quelques semaines plus tard Ferré, en embrassant Delescluze mort. Les membres de la Commune élus aux élections complémentaires furent Cluseret, Potier, Johannard, Andrieux, Serraillé, Longuet, Pillot, Durand, Sicard, Philippe, Loulla, A. Dupont, Pompée, Viard, Trinquet, Courbet, Arnold. Roger et Brionne ne voulurent pas siéger par susceptibilité sur le nombre de voix obtenues. Ils étaient vraiment, ces hommes de 71, des candidats qui ne ressemblaient guère aux autres. Menotti Garibaldi fut élu, mais ne vint pas, écœuré peut-être encore de l'Assemblée de Bordeaux, où Garibaldi offrant ses fils à la République avait été couvert de huées. Les commissions souvent remaniées furent ainsi primitivement composées. Guerre, Delescluze, Tridon, Avrial, Arnold, Ranvier. Finances, Bellet, Billioret, Victor Clément, Le Français, Félix Piat. Sûreté générale, Cournay, Vermorel, Ferré, Trinquet, Dupont. Enseignement, Courbet, Verdure, Jules Miot, Valèze, J.B. Clément. Subsistance, Varlin, Paricel, Victor Clément, Arthur Arnoux, Champy. Justice, Cambon, Dereur, Clémence, Langevin, Durand. Travail et échange, Thèse, Malon, Serraillé, C.H. Longuet, Chalin. Relations extérieures, Léo Meillet, C.H. Gérardin. Amouroux, Johannard, Valèze. Service public, Austin, Vésinier, Rastoul, Antoine, Arnaud, Potier. Délégation, Guerre, Cluseret, Finances, Jourde. Subsistance, Viard. Relations extérieures, Paschal Grousset. Enseignement, Vaillant. Justice, Proto. Sûreté générale, Raoul Rigaud. Travail et échange, Frankel. Service public, Andrieux. Quoi qu'il arrive, disaient les membres de la commune et les gardes nationaux, notre sang marquera profondément l'étape. Il la marqua, en effet, si profondément que la terre en fut saturée. Il y creusa des abîmes qu'il serait difficile de franchir pour retourner en arrière, ainsi que des rouges roses, le sang en fleurit les pentes. Fin de proclamation de la commune.